de fées en français. Les attrapeurs de rêves. Il était une fois, en plein centre de notre monde, vivait un groupe de créatures magiques connues sous le nom d'attrapeurs de rêves. Ne fais-tu pas parfois les rêves les plus incroyables, dans lesquels tes souhaits les plus profonds sont exaucés? Et quand tu te réveilles, tu ne peux plus te souvenir que de petits morceaux? Eh bien, c'est l'œuvre des attrapeurs de rêves. Regarde, il y en a un en pleine action en ce moment même. Oh, waouh! Ariana est si jolie! Je ne pense pas qu'elle va me remarquer. Oh, elle est tellement belle! Salut, Timmy! Tu es trop chou! Tiens, c'est pour toi, prends-le! Quel joli rêve, mon petit pote! Ne t'inquiète pas! Je vais garder tout ça pour toi, bien au chaud. Oui, c'est ce qu'ils font. Ils gardent vos rêves dans des bouteilles. C'est pour empêcher le méchant Magnus d'envahir vos rêves et de les transformer en horribles cauchemars. Les années ont passé et les attrapeurs de rêves ont répandu leur aura dans la nuit pour protéger les rêves des gens. Jusqu'à ce qu'une nuit, Magnus débarque à nouveau. J'adore ce cauchemar-là. C'est tellement drôle. Ça va aller, mon petit. Tout va bien. Nous avons un problème. Retrouvons-nous ce soir au quartier général pour en parler. Ainsi, plus tard le soir même, les attrapeurs de rêves se réunirent pour discuter des moyens d'arrêter Magnus de faire des ravages. Ils débattirent et argumentèrent toute la nuit pour essayer de trouver le meilleur moyen de battre Magnus. Nous devons détruire Magnus. Il y a forcément un moyen. Mandel a raison. Il nous faut des solutions et tout de suite. Chaque soir que Magnus passe dehors, des milliers d'enfants souffrent. Le débat continua encore et encore, et encore et encore. Oh, attendez! Cette personne là-bas, c'est Sonia. L'un des êtres magiques les plus puissants de l'univers. Si quelqu'un avait l'esprit assez vif et la puissance pour détruire Magnus, c'était bien elle, Sonia. Que tous ceux qui votent pour choisir... Soudain, une ombre immense encercla tout le monde et une ombre furtive souffla à travers la pièce. Ils entendirent un hurlement énorme, puis ce fut le silence. L'ombre s'était dissipée et Sonia... avait disparu. Ah ! Oh non ! Sonia, elle n'est plus là. Magnus l'a emmenée. Que fait-on maintenant ? Les attrapeurs de rêves furent vraiment perturbés de ce qu'il venait de se passer et cherchèrent un moyen de sauver Sonia. Mendel utilisa sa magie pour essayer de retrouver la trace de Sonia. Mais tous ses efforts restèrent vains. Pendant ce temps, Magnus avait emmené Sonia dans son repère et l'avait enfermée dans une pièce. Tu ne pourras pas me garder ici pour toujours. Un jour, mes attrapeurs de rêves viendront et te battront à plate couture. Pas si je les attrape en premier. Bientôt, je m'emparerai de tous les rêves et je pourrai jouer avec comme je veux. Tout pour moi. Et pendant que le Magnus maléfique riait comme un fou, Sonia réfléchit à un plan pour le combattre. Sonia ferma les yeux et envoya un message dans les airs sous la forme d'un oiseau magique. J'espère que quelqu'un le verra à temps, avant qu'il ne soit trop tard. L'oiseau magique vola dans le ciel étoilé et entra dans la maison d'un homme endormi, puis il entra aussi dans son rêve. C'était à nouveau notre petit Timmy que nous avons vu plus tôt. Oui, et il avait bien grandi maintenant. Il avait même une barbe et tout. Ah, je peux enfin regarder Netflix et me relaxer. Timmy. Qui est-ce? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je m'appelle Sonia. Je suis ce que l'on appelle un attrapeur de rêves. et j'ai été capturée par un méchant monstre. J'ai besoin que tu ailles à la cascade à l'ouest et que tu la traverses. De l'autre côté, tu trouveras mon peuple. Va voir Mendel et dis-lui que tu as été choisi. Waouh ! C'était quoi ça ? Trop bizarre ! Mais c'est la même chose que j'ai vue dans mon rêve ! Soudain, l'attrapeur de rêve commença à se balancer comme il l'avait fait dans le rêve. Impossible ! Alors il faut que j'aille tout de suite trouver les attrapeurs de rêve. Alors, Timmy se rendit à la cascade et il la traversa et se dirigea directement vers Mendel. Oh, Timmy, comment es-tu entré ici? J'ai fait un rêve et cette femme? Sonia? Oui, elle m'a dit que j'étais... Choisi? Oui, attends, pourquoi je te raconte tout ça si tu sais déjà tout? Tu as été choisi pour une tâche très importante. Le monstre maléfique Magnus a capturé Sonia, notre chef. Et nous devons la sauver et empêcher Magnus de donner des cauchemars à tout le monde. Tu es notre seul espoir. Mais pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai de si spécial? Les rêves, Timmy. Ils en disent beaucoup sur une personne et sur son cœur. Et toi, tu as une âme bonne, humble et gentille. Donc, nous t'avons choisi, toi. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire, toi? Avec son bâton magique, Magnus peut endormir les attrapeurs de rêves en un instant. Seuls les êtres choisis peuvent le battre. Tiens, prends ça. C'est une amulette spéciale connue sous le nom de Spinarak. Garde-la bien avec toi. Elle te protégera des attaques de Magnus et t'aidera à le battre aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est crier « Spinarak, attaque !» Et ensuite, la magie de Mendel se mit en marche juste devant eux. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Magnus. Il est encore là-bas. En cherchant Sonia, j'ai incanté un sort pour rechercher Magnus afin de le trouver dès qu'il refait surface. On dirait qu'il s'attaque à l'un des nôtres. C'est Alaro. Allons-y. Mendel claqua des doigts et lui et Timmy apparurent devant Magnus. Oh, regarde qui est là. C'est Mendel. J'étais sur le point d'en capturer un, mais maintenant je me retrouve avec deux attrapeurs de rêves. Mademoiselle Chance m'adore pour de bon, hein? Timmy! Dormez! Dans un flash, Mendel et Alaro tombèrent par terre. Salut, Timmy! Oh, et qu'est-ce qu'on a ici? Ne t'approche pas plus! Je t'aurais prévenu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me blesser avec ton petit objet de déco? Oh non! C'est quoi déjà la formule? Spinarak, charge! Oh non! Ah! Ça fait tellement mal! Oh non! Spinarak, aide-moi! Je vais t'avoir cette fois! Tu crois que tu peux m'attaquer, moi? Ça y est! Spinarak, attaque! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Non! Tous les pouvoirs de Magnus furent aspirés et mis dans le bâton. Cela le rendit faible et fragile et il s'écroula au sol. Mais comment? Je suis l'être choisi. Il est de mon devoir de m'assurer que toutes les personnes de ce monde restent à l'écart des créatures maléfiques comme toi. Les attrapeurs de rêves reprirent conscience et regardèrent Timmy qui se tenait là avec le bâton qui flottait à côté de lui. Magnus fut capturé et fait prisonnier au QG des attrapeurs de rêves. et Sonia purent retrouver son trône, saine et sauve. Timmy, je savais que j'avais fait le bon choix avec toi. Tu nous as tous sauvés, et les petits-enfants aussi, c'est vrai. Alors, j'ai quelque chose pour toi. Voici ton costume à toi, si tu décides de l'accepter. Est-ce que ça veut dire... Oui. Je peux devenir un... Oui. Est-ce que tous les attrapeurs de rêves interrompent... Oui. Oui. Et c'est ainsi que Timothée Turner devint le premier membre humain des attrapeurs de rêves. Il répandit son essence magique dans les rêves des petits-enfants, en les aidant à faire de beaux rêves toutes les nuits et en les protégeant des monstres maléfiques comme Magnus.